Et alors là, on en arrive à l'essentiel. Oui, donc on en arrive à l'essentiel, je disais. Ce discours oral, qui est information en lui-même, contient la représentation que des personnes données, des personnes appartenant à une communauté donnée, se font de leur propre culture. Et bien entendu, cette représentation n'est pas une réalité que l'on peut appeler objective. L'objectivité n'existe d'ailleurs sans doute pas. Cette représentation est une représentation au sens psychologique traditionnel du terme, c'est-à-dire que c'est une vision faite par la personne qui parle à un moment donné, dans un temps, dans un lieu donné, c'est la vision qu'elle a de l'élément culturel dont elle parle. Cette vision, comme toute vision, est déterminée par un certain nombre de paramètres, donc un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est déterminé dans une certaine mesure par la personnalité de la personne, c'est déterminé par les préoccupations du présent et par le rapport entre le passé et le présent, et ça on pourra en reparler, c'est tout le problème du discours sur le passé et de certaines de ses contraintes. C'est déterminé surtout par la conception que les gens ont de leur propre culture. C'est déterminé par une attitude culturelle fondamentale et par des axes fondamentaux de l'attitude culturelle. Alors, c'est vrai, on le verra dans les textes, un texte libre, enfin un texte libre, entre guillemets, un texte où il y a peu d'intervention de l'enquêteur, un texte qui se développe donc d'une façon très, très libre, tout de même, dans une enquête sur un usage donné, n'apporte pas tout, et loin de là, sur cet usage. Parfois, il apportera très peu de choses au niveau de l'information proprement dite.